L'actualité à Nancy et ailleurs. Jardin de ville, c'est la fête éco-responsable et elle se tient ce week-end des 27 et 28 septembre au domaine de Montaigu. Thibaut Thiel, bonjour. Bonjour. Merci de venir vous représenter l'ALEC. L'Agence locale de l'énergie et du climat. Et votre rôle au sein de cette agence ? Mon rôle, c'est d'être responsable de l'espace Conseil France Rénov'. L'espace Conseil France Rénov', c'est un pôle de conseil et d'accompagnement gratuit et neutre. On est le service public de la rénovation énergétique sur le territoire de la métropole. Quand on veut entamer des travaux, c'est vous qu'on appelle ? Ça serait bien ça soit un réflexe et que tout le monde y pense du premier coup. C'est pas le cas, on y travaille, mais c'est le but en effet. On peut vous conseiller à y voir plus clair sur quels travaux faire, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce que ce n'est pas une arnaque, est-ce qu'ils sont au bon prix et quelles sont les aides associées à ces travaux. Il y a beaucoup d'informations à passer là-dessus. Ce week-end, on va pouvoir vous rencontrer à l'occasion de cette 21e édition, je crois, de Jardin de Ville, Jardin de Vie. Le concept de ce rendez-vous, c'est quoi ? Alors, c'est d'informer les citoyens et tous les participants de la fête sur les missions de l'ALEC, qui sont nombreuses. Alors, on a parlé de l'espace Conseil France Rénov' et du conseil aux particuliers. On conseille également les particuliers sur le chauffage au bois. Il y a un dispositif spécifique sur la métropole. Mais on conseille aussi les élus, les collectivités et aussi tout dernièrement sur le sujet des mobilités douces et la mobilité durable en général. Qui se développe de plus en plus effectivement. Il y a des questions qui reviennent un peu plus souvent cette année ? Alors, les questions récurrentes sont sur l'isolation extérieure. C'est l'un des travaux les plus réalisés par les ménages. En numéro 2 sur le chauffage, on a les pompes à chaleur, bien sûr, qui reviennent systématiquement avec un effet de mode vis-à-vis des aides, notamment. Et le chauffage au bois, qui est quand même relativement pratiqué par les habitants de la métropole et qui sont incités à renouveler via les dispositifs en place. Donc sur place, dans le domaine de Montaigu, il va y avoir plein d'informations, mais aussi des ateliers. Qu'est-ce qui va pouvoir... Il y a plein de choses, comme d'habitude. Alors, il y a d'autres associations sur le tri des déchets, la gestion des déchets, les maîtres composteurs. Ça, c'est les parties qu'anime la métropole. Nous, de notre côté, on a des maquettes qui permettent de montrer concrètement quels sont les travaux de rénovation. On va vous montrer aussi et vous démontrer comment bien faire un feu et bien brûler pour lancer de manière propre, sans dégagement de particules, un feu de chauffage au bois. Donc voilà, des petites animations qu'on a l'habitude de pratiquer. Et si on y pense, je l'annonce, on va essayer de distribuer des mousseurs aussi pour économiser l'eau sur les points d'eau et les robinets. Les mousseurs, c'est ce qui se met sur le robinet, tout simplement. Tout à fait. Ça se visse dessus, très simplement. C'est à partir de quelle heure ce week-end ? 10h, 19h. Et si on veut en savoir plus, découvrir l'ALEC un peu plus, il y a un site internet ? Alors, www.alec-nancy.fr et vous pouvez nous appeler au 03 83 37 25 87. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que Jardin de Ville, Jardin de Vie, c'est ce week-end des 27 et 28 septembre au domaine de Montaigu à Gerville-la-Malgrange. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.